Du livre 8 au livre 11 de son histoire naturelle, Pline aborde la zoologie, évoquant notamment l'éléphant, le lion, le crocodile, le caméléon, le cheval des brebis. Il finit son livre sur l'intelligence des chèvres. Mucianus, contemporain de Pline, dont il fut une des principales sources, dit avoir été témoin d'un trait prouvant l'intelligence des chèvres. Deux chèvres arrivant en sens inverse se rencontrèrent sur un pont très étroit. Tourner sur elles-mêmes n'était pas possible, en raison du manque d'espace, non plus que marcher à reculons, à cause de la longueur d'un chemin étroit à parcourir sans rien voir, avec, au-dessous, le cours impétueux d'un torrent menaçant. Alors, une des chèvres se coucha et l'autre passa en marchant par-dessus.